na zambe Feki na nini baluka kanga Libala ngana kotae Libala ya bombanda Lokola nandimae Nalela kate Oh moi je l'aime Du fond de mon cœur Laisse moi je l'aime Nalinga kaye Oh moi je l'aime Du fond de mon cœur Laisse moi je l'aime Nalinga kaye Balo banyon songana koyo kate Balo kapasi ya toto ya moninga Senga na makambo nyonso na kosala Kasi kopeki sangate bolingo nanga Libala ya bomba nanga na mesana Ngate moto ya liboso na bandaka Balo banyonso ngana koyo kate Baluka pasi ya nzoto ya moninga Senga na makambo nyonso na kosala Kasi kopeki sangate bolingo nanga Libala ya bomba nanga ina mesana Ngate moto ya liboso na bandaka Mboka nyonso, mabale koma pasi Ika na batela tako na zwa Ika toswana, mbali ena mwasi Ika baswana kolanda kate Tant que je l'aime, on peut tout me dire Dans mes oreilles, ça passera pas Il est mon rêve, il est tout pour moi Sans lui je crève du mal de l'amour Tant que je l'aime On peut tout me dire Dans mes oreilles ça passera pas Il est mon rêve Il est tout pour moi Sans lui je crève du mal de l'amour Mon bali oya kota ya ngamotema Boboya yena makasi wananga Selani moto ya bolingo na inu ekufa Bongo bopanza pusiere kotikala Lelo nalingie mingi nalingie Lese mwa kute le charme de mon amour Mobali oya kota ya ngamotema Boboya yena makasi wananga Tela di moto ya bolingo na inu ekufa Bongo bopanza pusiere kotikala Lelo nalingie mingi nalingie Lese mwa kute le charme de mon amour Kikanga, nalingie mama Ça passera pas, tant que je l'aime Kikanga, nalingie mama Ça passera pas, kana lenge ma Moyete oho, naleseye mama Aganenga inzoto, motema nanga tontina Kikanga, nalingie mama Ça passera pas tant que je l'aime Boti kanga, nalingi e mama. Ça passera pas, kana lenge ma. Chéri nanga y moke, nalingi e mingi e. Boti kanga, nadondwa mwa moke na ye. Boti kanga, nalingi e mama. Ça passera pas, tant que je l'aime. Boti kanga, nalingi e mama. Ça passera pas, kana lenge ma. Ça passera pas tant que je l'aime. Yeah. Il est mon amour, vraiment je l'aime. Et quoi mieux? Boti kanga, nalingi e mama. Ça passera pas tant que je l'aime. Boti kanga, nalingi e mama. Ça passera pas kana lenge ma. Linganga moke lenge mananga, bangi sabambanda, bayuma baki ma chérie. Boti kanga, nalingi e mama. Ça passera pas tant que je l'aime. Boti kanga, nalingi e mama. Ça passera pas kana lenge ma. Oh, moyete ogo na lese ye mama. Akanye ngai nzoto motema nanga lenge ma. Boti kanga nalingi e mama. Ça passera pas tant que je l'aime. Boti kanga nalingi e mama. Ça passera pas kana lenge ma. Sumke, pinela nga sumke, nga na yoka bisengo. Sumke.